بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence le cours 3 aujourd'hui dans l'explication du livre الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة avec le شرح شيخ أحمد النجمي رحمه الله dans son شرح qui s'intitule « Fath al-Rabb al-Ghafour et al-Rahmah » et on est arrivé maintenant à l'explication des conditions de « La ilaha illallah ». Donc, on a expliqué au dernier cours les conditions de « La ilaha illallah », on les a énumérées rapidement. Là, maintenant, on va les expliquer une à une. Et ensuite, après qu'on a fini d'expliquer avec le charh de Cheikh Ahmed al-Najmi, on va lire les preuves qui ont été rapportées pour chaque condition de la ilaha illallah. Les preuves qui sont mentionnées dans le Coran et dans la Sunna pour chaque condition. Et ensuite, il y aura le charh de Cheikh Ahmed al-Najmi de ces preuves. D'accord ? Donc l'explication des preuves pour chaque condition, parmi les conditions de la ilaha illallah. Donc, on va commencer tout de suite, inshallah. Bismillah. Donc, la ilaha illallah, premièrement sa signification, ma'naha la ma'bouda bihaqqin illallah. Wa ruknaha an-nafyu fi qawlihi la ilaha والإثبات في قوله إلا الله فلا إله نفت الألوهية عن كل أحد سواه وإلا الله أثبتت الألوهية لله وحده لا شريك له. Donc premièrement, le cheikh il explique, cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, il dit que la signification de la ilaha illallah, c'est que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Rien n'est adoré en vérité et qui mérite d'être adoré excepté Allah Azza wa Jal, Allah le Créateur, le Maître Tout-Puissant, celui qui a tout créé et qui contrôle tout ce qui existe. Et donc, ça c'est la signification de la ilaha illallah. Et c'est important aussi de noter à ce sujet-là que beaucoup de prêcheurs francophones et même parfois des prêcheurs arabes et d'autres, dans d'autres langues également, lorsqu'ils traduisent la signification de la ilaha illallah, ils traduisent cela de façon totalement incorrecte. Parce qu'ils disent que la ilaha illallah, ils le traduisent en disant il n'est de Dieu que Dieu, ou bien il n'est de Dieu que Allah. Et en arabe, ils disent parfois la khaliqa illallah, il n'y a pas de créateur excepté Allah. Et cette traduction, elle est incorrecte. Pourquoi ? Parce que même si c'est vrai qu'il n'est de créateur que Allah et qu'il n'est de Dieu que Allah, cette traduction-là n'exprime pas la réelle signification du témoignage de la ilaha illallah. Puisque la ilaha illallah, elle est beaucoup plus profonde que ça dans sa signification. Et elle concerne en particulier la notion ou la question de al-uluhiyya. Al-uluhiyya, c'est-à-dire l'adoration, le droit exclusif d'Allah à être adoré, et le rejet de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et pour expliquer ça de façon plus claire, il est important donc de comprendre que la ilaha illallah, sa signification, c'est que rien ne mérite d'être adoré. Parmi les choses que les gens, que les êtres humains adorent en dehors d'Allah, rien de ces choses-là mérite d'être adoré. Le seul qui mérite réellement d'être adoré, c'est Allah Azza wa Jal, lui seul. Parce que c'est lui seul qui détient les attributs et les noms de perfection. Et le cheikh explique que le témoignage de la ilaha illallah, cette phrase, elle est divisée en deux parties. La première partie, c'est une négation, c'est la ilaha. Et al-ilah en arabe, ça signifie une chose adorée, une chose que les gens adorent. Peu importe qu'est-ce que c'est cette chose-là. Ça peut être un arbre, ça peut être une pierre, ça peut être un objet. Ça peut être une personne, ça peut être un prophète, ça peut être un ange, ça peut être un homme ou une femme qui a été pieuse ou pieux, ça peut être un animal, ça peut être un objet inerte, ça peut être une étoile, un astre, le soleil ou la lune, ça peut être une pierre, ça peut être un esprit, ça peut être un djinn, ça peut être n'importe quelle chose qui existe parmi les créatures. Tout ce qui est adoré, on peut l'appeler ilah. Et le pluriel du mot ilah, c'est le mot aliha. Aliha. Hein? Et Allah Azza wa Jal, il mentionne ça dans plusieurs versets. Il dit, par exemple, à propos des mushrikin, dans Surat Al-Furqan, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ. Ils ont pris en dehors de lui des divinités qui ne peuvent pas créer. Hein? Donc il dit, وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Ce qui signifie, يعني, ils ont pris en dehors de lui des divinités qui ne peuvent ni créer, qui ne peuvent rien créer, c'est-à-dire elles ne peuvent pas créer quoi que ce soit, et qui ne détiennent pas يعني, le pouvoir pour elles-mêmes de nuire ou de profiter à quiconque, et qui ne détiennent non plus ni le pouvoir de faire vivre, ni le pouvoir de faire mourir, ni le pouvoir de aller faire ressusciter au jour de la résurrection. Donc, tout ça pour dire que ce que les mushrikines et les kuffars, en dehors, yani parmi les mushrikines et les kuffars, ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, ne méritent pas d'être adorés. À cause de, justement, du fait qu'elles ont aucune des attributs divines d'Allah Azza wa Jal. Donc, par conséquent, le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Et donc, quand on dit « La ilah », ça veut dire « Rien ne mérite d'être adoré ». Et la deuxième partie de ce témoignage, qui est l'affirmation « Illallah », ça, c'est de dire que « Excepté Allah », c'est-à-dire personne ou rien ne mérite d'être adoré, excepté Allah Azza wa Jal. Et donc, le cheikh, il explique, il dit ensuite « La ilah » نفت الألوهية عن كل أحد سواه. Donc le fait de dire que rien ne mérite d'être adoré ou rien n'est adoré, hein, ici c'est plutôt dans le sens de rien ne mérite d'être adoré, parce qu'il y a des choses qui sont adorées en dehors d'Allah. Donc ici la parole de la ilaha, elle ne nie pas qu'il y ait des choses adorées dans la création, mais plutôt qu'est-ce qui est sous-entendu par cette parole, hein, et qu'est-ce qui n'est pas mentionné mais qui est sous-entendu, c'est que rien ne mérite d'être adoré, puisqu'il y a beaucoup de créatures et beaucoup de choses parmi les hommes, des choses qui sont adorées par les hommes dans la création, toutes sortes de choses que les hommes adorent. Donc la négation ici, c'est pas la négation de l'adoration elle-même ou l'adoration, la négation de ce qui est adoré, puisqu'il y a des choses adorées, mais la négation de la validité de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal. C'est ça le cœur de la compréhension ici par rapport à cette phrase. Donc la négation là et là qui nie le droit de l'adoration pour toute autre chose qui existe en dehors d'Allah. Et illallah, qui est l'affirmation de l'adoration pour Allah seul, et d'affirmer le fait qu'il est seul à avoir le droit et à mériter de recevoir l'adoration sans partenaire, sans associé. Hein? Et en même temps, le cheikh il explique par la suite maintenant les conditions de la ilaha illallah, et il dit « shurutuha sab'a ». الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا فالنفي في جملة لا إله والإثبات في جملة إلا الله بحيث يعلم وجوب الكفر بكل الآلهة سوى الله ونفي العبودية عنها كما يجب أن يثبت ويفرد الله بالعبادة وحده لا شريك له وضد العلم بها الجهل بذلك. Donc le cheikh explique que les conditions de la ilaha illallah sont de 7. La première, c'est la signification, c'est la connaissance, le fait de connaître la signification de la ilaha illallah et de connaître ce que la ilaha illallah a nié et ce que la ilaha illallah a affirmé. Donc la négation, on l'a expliqué, c'est dans la partie de la ilaha, hein, c'est-à-dire que on nie que quoi que ce soit en dehors d'Allah ait le droit d'être adoré ou qu'une chose quelconque puisse mériter d'être adorée en dehors d'Allah. Donc ça, c'est la négation. Et l'autre partie qui est l'affirmation, c'est-à-dire que uniquement Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré. Et donc ça, ça signifie que on doit connaître l'obligation de renier tout ce qui est adoré comme divinité en dehors d'Allah, et la négation de l'adoration de toute chose en dehors d'Allah Azza wa Jal, et l'obligation d'affirmer et de rendre exclusive l'adoration à Allah seul, sans aucun partenaire, sans aucun associé. Et le contraire de la connaissance de cette signification-là, c'est l'ignorance, c'est-à-dire le fait d'ignorer ces choses-là. Donc une personne, en réalité, si elle dit « la ilaha illallah » mais qu'elle ne comprend pas la signification de « la ilaha illallah » et qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que ça affirme, qu'est-ce que ça nie, eh bien, son témoignage ne sera pas valide. Il faut qu'elle comprenne et qu'elle sache qu'est-ce que ça signifie lorsqu'elle fait ce témoignage de la ilaha illallah. Et plus loin, on va voir plus tard les preuves de chaque condition. الثاني اليقين وهو أن يكون المتكلم بها متيقنا أي كامل العلم بها بقلبه ومؤمنا بها إيمانا لا يعتريه ولا يتطرق إليه شك ولا ريب. Donc la deuxième condition, c'est d'avoir la conviction complète en cette parole de la ilaha illallah, de façon à ce que lorsque la personne qui prononce cette parole, elle la prononce en ayant une conviction complète, c'est-à-dire la connaissance complète dans son cœur, avec la foi complète qui n'est touchée par aucun doute et aucune ambiguïté par rapport à cette croyance-là. Donc ça veut dire qu'elle doit avoir la certitude et la conviction totale. Troisième condition, al-ikhlas, al-munafi lish-shirk, bi an yakuna qa'iluha mukhlishan 'inda nutqihi biha qasidan bidhalika wajha Allah subhanahu wa ta'ala wa an tasdura minhu jami' al-a'mal khalisatan lillah duna an tashubahu aw duna an tashubaha sha'ibatu shirki aw ar-riya. C'est-à-dire que la personne qui prononce cette parole de la ilaha illallah, yani elle doit la prononcer avec ikhlas. Avec ikhlas, ikhlas qui signifie la pureté et la sincérité dans l'intention et dans les actions. Et ici, c'est-à-dire que la personne ne doit pas, lorsqu'elle prononce cette parole, avoir commis un shirk ou fait du shirk en quoi que ce soit. C'est-à-dire que ce soit un shirk apparent ou caché. Et le shirk explique que, c'est-à-dire que la personne qui le dit, elle doit le dire avec sincérité lorsqu'elle le prononce, en ayant comme objectif uniquement le visage d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire de vous chercher l'agrément d'Allah seulement. Et de faire en sorte que elle ne fasse toutes ses actions que pour Allah seul et avec pureté dans son intention pour Allah seul, sans qu'il y ait dans ses actions ou dans ses intentions une forme quelconque de shirk ou d'ostentation lorsqu'elle le prononce. Le point numéro 4 ou la condition numéro 4, as-sidqu al-munafi lil-kadhib al-mani'u min an-nifaq bi an yakuna sadiqan idh inna aqwaman qad qaluha wa hum kadhibuna fi qulubihim wa shahadatihim kama qala 'azza man qa'il subhanahu 'anhum إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Donc ici le cheikh il explique que la quatrième condition c'est la véracité ou la sincérité qui est en contradiction avec le mensonge, c'est-à-dire le fait d'être véridique lorsqu'on prononce cette parole. Et ça, cette véracité ou bien le fait d'être véridique, c'est ce qui va t'empêcher d'être hypocrite, hein, et qui va t'amener à être sincère et véridique lorsque tu prononces cette parole. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ont prononcé la ilaha illallah et qui étaient menteurs, hein, ou qui mentaient en le disant et en témoignant de cette parole-là. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il dit par exemple dans le verset 1, dans Surat al-Munafiqun, ce qui signifie, et lorsque te viennent les hypocrites, hein, lorsque te viennent les hypocrites, ils disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Allah sait, certes, que tu es son messager, mais Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. La condition numéro 5, al-mahabbatu li hadhihi al-kalima, donc le fait d'aimer cette parole, de la ilaha illallah, il dit lima dallat alayhi waqtadat wal farah bi fadlillah alayhi biha was surur bi rahmatihi lahu an waffaqahu wa hadahu li hadha wama kunna linahtadi lawla an hadana Allah wa takunu al mahabbatu bi an yakun القائل لها محبا لها عالما بها يعني عالما بها سبيل النجاة وأنه لا نجاة لأحد إلا بتحقيقها والاتصاف بها وتعني ذلك محبة أهلها وبغض أعدائها. Donc le cheikh explique que la cinquième condition ici c'est premièrement d'aimer cette parole de la ilaha illallah et d'aimer ce que cette parole-là implique et qu'est-ce qu'elle indique comme élément également par rapport à la foi et le fait de se réjouir de cette signification-là et de la grâce d'Allah Azza wa Jal qu'il nous a fait en ayant prononcé cette parole et de se réjouir également de sa grâce et de sa miséricorde du fait qu'il nous a donné le succès et qu'il nous a guidés à cette parole. Et comme Allah Azza wa Jal mentionne dans le verset 43 dans Surat Al-A'raf, il dit ce qui signifie « وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَنَ اللَّهِ » Et nous n'aurions pas pu être guidés à cela, excepté si Allah nous a, hein, sauf que si Allah nous y a guidés. Donc c'est seulement par la grâce d'Allah qu'on a pu être guidés à cette vérité-là. Et quand le cheikh il dit ensuite فَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَنَ اللَّهِ, c'est-à-dire on n'aurait pas pu être guidés à l'islam si Allah ne nous y avait pas guidés. Donc il faut avoir de l'amour pour cette religion, pour ce témoignage de la ilaha illallah, du fait que la personne qui la prononce cette parole de la ilaha illallah, eh bien, il aime cette parole et il sait, hein, en la prononçant, que c'est le chemin du salut et qu'il n'y a pas de salut pour quiconque, excepté si la personne a mis en pratique et réalisé la signification et concrétisé cette signification et qu'il a yani, adopté cette signification-là dans sa pratique et dans sa croyance. Et c'est-à-dire que également il doit aimer les gens qui adhèrent au tawhid, à l'unicité d'Allah, et qui croient en la ilaha illallah. Et détester ceux qui sont l'ennemi de la ilaha illallah. D'accord ? Donc détester ceux qui sont ennemis de la ilaha illallah. Ensuite, le cheikh explique que la condition numéro 6, c'est al-inqiyad. Al-inqiyadu lillahi bihuquqiha, wa hiya al-a'malu al-wajiba, ikhlasan lillahi, وطلبا لمرضاته وأن يبذل في سبيلها كل ما طلب منه، فهو يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ويؤدي الصلاة له ويعطي الزكاة من ماله راضيا بذلك وقاصدا بذلك وجه الله، ويبذل نفسه وماله إذا تطلب الأمر لذلك بجهاد في سبيل بالجهاد في سبيل الله، فهو يسمح بإزهاق نفسه وسفك دمه إذا أراد ولزم الأمر لذلك، طالبا من الله أن يؤتيه النصر أو الشهادة فيحيا حياة خيرا منها، وقبل بالتجارة مع الله بأن يشتري الله منه نفسه وماله وأن له الجنة. Donc ici le cheikh il explique que la sixième condition ici de la ilaha illallah, c'est al-inqiyad. Al-inqiyad, c'est-à-dire l'obéissance et la soumission. Et la soumission et l'obéissance à Allah Azza wa Jal dans les droits qui découlent de la ilaha illallah. C'est-à-dire les actes obligatoires de la religion. Et de les mettre en pratique avec sincérité, uniquement pour Allah. Et en note de bas de page ici, on dit « Al-a'malu al-wajiba » et « Al-a'malu al-din al-wajiba » « Wa hiya jami'u ma awjaballahu ala al-ibad al-iman bihi » والعمل به من شرائع الإسلام وشعب الإيمان. Donc les actes obligatoires en question, c'est les actes obligatoires de la religion dans tout ce que Allah a ordonné aux serviteurs, c'est-à-dire d'avoir la foi et de mettre en pratique les principes de l'islam et les branches de la foi. Donc yani, ces actes obligatoires, on doit toutes les faire avec ikhlas, avec pureté pour Allah, sincérité pour Allah, et en cherchant l'agrément d'Allah. Donc tu vas dépenser dans le chemin d'Allah Azza wa Jal tout ce qui est nécessaire et tout ce qui est demandé de toi et tout ce qui est exigé de toi dans ce sentier-là de la part d'Allah. Donc tu vas dépenser tout ce que tu possèdes et tu vas faire tout ce qui est exigé de toi pour Allah sur ce chemin de la ilaha illallah. Et donc, ça implique bien entendu de renier le tarout. Le tarout, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc, on renie le tarout et on croit en Allah seul et on établit la salat et on donne la zakat de nos biens avec satisfaction. Tu sais, on est satisfait de donner de nos biens et on le fait avec l'intention de plaire à Allah, hein. Et l'intention de plaire à Allah pour son visage uniquement, et de défendre, de dépenser également de notre personne et de nos biens, si cela est exigé, par le fait de lutter dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, hein, de faire le djihad dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, lorsque cela est exigé de notre part. Et il dit, il va même donc permettre de donner sa vie et de faire couler son propre sang lorsque la chose est exigée de lui. Et il va espérer ou demander d'Allah que Allah lui donne soit la victoire ou soit qu'il fasse de lui un martyr. C'est-à-dire qu'il meurt dans le sentier d'Allah, hein, et qu'il vive par la suite, hein, dans l'au-delà, une vie meilleure que la vie qu'il a vécue dans ce bas monde, et qu'il accepte de faire le troc avec Allah Azza wa Jal, de donner sa vie en échange du paradis. Donc il donne sa personne et ses biens en échange du paradis à Allah Azza wa Jal. Et ça, bien entendu, c'est le djihad. Lorsqu'on parle du djihad ici, c'est le djihad avec les conditions de la charia et qui respecte les règles de la charia. Et ça, ça veut dire, bien entendu, que c'est un djihad qui yani respecte les principes et les règles de l'islam. Et, et bien entendu, on ne parle pas de qu'est-ce que font les groupes d'égarement et les sectes d'extrémistes comme les Khawarij qui yani font des actes de terrorisme et tuent des innocents au nom de l'islam et au nom du djihad. Parce que ce qu'ils font n'a rien à voir avec le djihad et parce que yani, ce qu'ils font également n'a rien à voir avec l'islam, puisque l'islam yani, n'ordonne pas ce genre de choses et bien au contraire, l'islam interdit le désordre et interdit l'injustice et interdit yani, de massacrer ou de tuer aveuglément des innocents. Donc tout ça, ça c'est des choses interdites en islam. Quand on parle du djihad, c'est le djihad légiféré qui respecte les règles de la charia. D'accord? Ça c'est pour être spécifique parce que sinon, certains, ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est le vrai sens du djihad et puis ils l'interprètent d'une manière un peu corrompue. Yani, nasallallahu al-afiyah. Le point numéro 7, al-qaboul, al-munafil al-rad. Al-qaboul bi-an yakbalha qasidan bi-thalika ridallah azza wa jal, tami'an an yuthibahu bi-thalik, wa takounu sababan lidukhulihi al-jannah. Donc, la septième condition, c'est l'acceptation qui est en opposition ou bien qui contredit yani le rejet ou le refus. Donc souvent, comme on l'a expliqué déjà, les conditions de la ilaha illallah sont expliquées en mentionnant leur contraire pour que ce soit plus clair ou plus facile à comprendre. Parce que quand on voit le contraire d'une chose, on arrive mieux à visualiser ou à conceptualiser la chose. Donc ici, l'acceptation, c'est le contraire du refus et du rejet. C'est-à-dire que tu acceptes la ilaha illallah en ayant comme objectif l'agrément d'Allah Azza wa Jal et en aspirant à la récompense d'Allah Azza wa Jal en faisant cela, du fait qu'on sait et on accepte que ce soit, ou on comprend que ce soit une cause pour qu'on rentre au paradis. Et le cheikh Ahmed al-Najmi, il dit « Wa azidu shartan thaminan tajduru al-haja ila dhikrihi fi zamanina wa hadha bintishari ba'd al-awrad al-sufiyah alati tufarriqu wa tafsilu bayna juz'ayha fa'aqul wa yahsunu bal yajibu wa yatahattam an yuwali ويصل العبد المسلم بين جزئي لا إله إلا الله عند النطق بها فيتبع النفي بالإثبات مخالفة لمن يفصل من أهل البدع والطرق الصوفية وأن يعتقد أن من فصل النفي عن الإثبات فقد جاء بقول باطل وهذا مقتض للكفر لأن من قال لا إله لا إله لا إله لا إله وأخذ يردد هذا الجزء وحده كثيرا فقد قرر نفي ألوهية الله سبحانه وتعالى على هذا وعلى هذا فإنه إذا جاء بعد ذلك بجملة إلا الله مفصولة عن جملة النفي فقوله باطل وعقيدته كفرية لأن من قال لا إله 400 مرة وقال إلا الله 100 مرة أو أكثر من ذلك أو أقل فإنه قد فصل النفي عن الإثبات قاصدا يوجب كفر قائله ويحتم عليه أنه قد خرج من الإسلام، إذ إن الله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذا كأنه يقول إذا فصل وفرق بينهما، يعني علمت أنه لا إله، ثم يكرر علمت أنه لا إله، ثم يكرر هذا الباطل والكفر كثيرا، نعوذ بالله من ذلك، أقول لقد أفسدت الصوفية الإسلام إفسادا فظيعا والعياذ بالله، وخربته خرابا مدمرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. Donc ici le cheikh il dit: je vais rajouter aussi une huitième condition qui est nécessaire à notre époque de mentionner, puisqu'il y a certaines paroles qui sont propagées par les soufis, parmi les formes de dhikr qu'ils ont inventées. Et le cheikh il dit: كما هو موجود عند فرقة التبليغ هداهم الله والتي تعتبر من الطرق الصوفية العصرية. Il dit comme on retrouve cela également dans la secte soufie de Jamaat Tabligh, que Allah les guide. Il dit parce que ce groupe-là est considéré comme une des voies soufies de l'époque contemporaine. Donc parmi leurs bid'ah, ce qu'ils distinguent ou ils séparent entre l'affirmation et la négation dans le témoignage quand on dit la ilaha illallah. Et donc dans leurs invocations ou dans les rappels qu'ils font, ils ont inventé un dhikr dans lequel il coupe le témoignage de la ilaha illallah en deux parties. Et donc ils vont prononcer seulement la négation pendant une centaine de fois ou bien plus que ça. Et ils vont mentionner par la suite l'affirmation toute seule, séparée de la négation. Et lorsque ils font ça, ça c'est des choses qu'on voit chez les gens de bid'ah qui contredisent l'islam, et les turq soufis, les groupes soufistes, beaucoup de sectes soufis qui ont innové ce genre de pratique. Et ils pensent que c'est quelque chose de bien de séparer entre l'affirmation et entre la négation et l'affirmation. Alors au lieu de dire la ilaha illallah, eh bien ils vont dire une parole qui implique du kufr en réalité, puisqu'ils vont nier ils vont prononcer la négation un grand nombre de fois en disant la ilah, la ilah, la ilah, la ilah, la ilah. Ils vont répéter ça peut-être 400 fois. Et puis après, ils vont répéter illallah, illallah, illallah. Ils répètent ça une centaine de fois encore. Donc tout ça pour dire que en disant ça, c'est comme s'ils nient que Allah existe. Ils ne réalisent pas. Parce que quand tu dis la ilah, eh bien c'est comme si tu dis il n'y a pas de divinité, il n'y a rien qui mérite d'être adoré du tout. Et donc ça implique que tu nies Allah Azza wa Jal et son droit à l'adoration. Et donc ça c'est, comme le cheikh il le dit, celui qui dit ça, eh bien c'est comme si il a séparé entre l'affirmation et la négation, et il a fait ça intentionnellement. Et ça implique la mécréance de la personne qui le fait, et qui indique avec certitude que cette personne, elle sort de l'islam. Parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, le verset 19 dans Surat Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il dit: sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et demande pardon pour ton péché. C'est-à-dire, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Donc tu dois prononcer la phrase au complet et non pas juste mentionner la moitié et couper la phrase en deux, séparer l'affirmation de la négation. Et donc le cheikh il dit, donc tous ceux qui disent ce genre de choses et qui distinguent ou qui séparent entre la négation et l'affirmation, eh bien qu'est-ce qu'il fait? C'est faux, et c'est même que c'est du kufr, wal'iyadu billah. Et les soufis, le cheikh il dit, les soufis ont beaucoup corrompu beaucoup de choses dans l'islam, ils ont fait d'affreuses corruptions comme ça dans la religion, et ils l'ont démoli et détruit complètement l'islam à cause de leur bid'a, à cause de leurs fausses croyances et de leurs fausses pratiques qui sont en contradiction avec le Coran et la Sunna. Et c'est pourquoi les savants ont toujours mis en garde contre les soufis et contre leurs égarements et contre leurs pratiques hérétiques. Nasallallahu al-afiyah. Donc ça, c'est très important à comprendre. Ensuite, donc maintenant, on a expliqué les conditions de la ilaha illallah. Maintenant, on va mentionner les preuves dans le texte du livre de Al-Wajibat Al-Mutahattimat. Ensuite, on va lire l'explication de ces preuves, l'explication des preuves dans le Coran et dans la Sunna. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'on va pouvoir lire le charh de ces preuves-là, mais on va essayer de lire les preuves de chaque condition. Donc, la première condition, la science, donc la preuve à ce sujet-là, le cheikh il dit « Adillatu hadihi shurut min kitab illahi wa min sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Dalilul ilm, qawluhu ta'ala, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَقَوْلُهُ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَيَعْنِي أي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يعني وَهُمْ يَعْلَمُونَ أي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ بِقُلُوبِهِمْ وَمَا نَطَقُوا بِهِ بِأَلْسِنَتِهِمْ وَمِنَ السُّنَّةِ يعني الحديث الثابت في الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. Donc ici le cheikh il mentionne les preuves de la science qui est la première condition de la ilaha illallah, et il mentionne à ce sujet-là le verset 19 dans sourate Muhammad, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit, donc sachez que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc c'est la preuve que Allah Azza wa Jal, il nous ordonne de connaître cette phrase-là, puisqu'il a précédé la phrase par le verbe impératif de alima ya'lamu, de savoir et de connaître, c'est fa'lam. Fa'lam, c'est un ordre, sache, annahu. Que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah Azza wa Jal. Dans un autre verset aussi, qui est le verset 86 dans Surat Az-Zukhruf, Allah Azza wa Jal il mentionne, il dit illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun, c'est-à-dire excepté ceux qui témoignent en vérité et qui connaissent ou qui savent, c'est-à-dire qui savent la signification de la ilaha illallah avec leur cœur et qui l'expriment avec leur langue. Ils le mentionnent avec leur langue. Également, dans les preuves de cette condition dans la sunna, il y a un hadith authentique rapporté par Muslim selon Uthman radiyallahu anhu, dans lequel il mentionne que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, celui qui meurt et qu'il sait que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, il connaît la ilaha illallah, il entrera au paradis. Ça c'est la première condition et la preuve à ce sujet. La deuxième condition, c'est al-yaqin. Al-yaqin, c'est la certitude et la conviction. Donc, la preuve à ce sujet-là, il dit « وَدَلِيلُ الْيَقِينَ قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ يعني فاشترط في صدق إيمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كونهم لم يرتابوا كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا. فأما المرتاب فهو من المنافقين. Donc le cheikh il dit la preuve de la certitude et la conviction c'est dans le verset 15 dans sourate Al-Hujurat lorsque Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie les croyants ne sont que ceux qui ont cru en Allah et en son messager puis qui n'ont point douté et qui ont lutté avec leur bien et leur personne dans le sentier d'Allah, ceux-là sont les véridiques. Et donc ici le cheikh explique que Allah Azza wa Jal dans ce verset là il a mis comme condition pour que quelqu'un soit un croyant et qu'il ait la foi et qu'il ait une foi sincère en Allah et en son messager qu'il n'ait pas douté hein, qu'il n'ait pas douté parce que lam yartabu ça veut dire lam yashukku, c'est-à-dire ils n'ont pas eu de doute, parce que celui qui doute eh bien il fait partie des munafiqin, celui qui doute en l'islam et qui a des doutes dans sa foi et en la ilaha illallah, alors il fait partie des munafiqin, c'est-à-dire les hypocrites. Et la preuve dans la sunna, le cheikh il dit wa min as-sunnati al-hadith ath-thabit fi as-sahih 'an Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah يلقى الله يبقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة وفي رواية لا يلقى الله بهما غير عبد غير شاك فيعني يحجب عن الجنة فيحجب عن الجنة وعن أبي هريرة أيضا من حديث طويل من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة. Donc ça c'est ici c'est la preuve de la sunna, de la certitude et de la conviction. Donc ici le cheikh il mentionne le hadith, il mentionne premièrement le hadith authentique ici qui est rapporté par l'imam muslim selon Abi Huraira radiyallahu anhu. Il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit yani, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et que je suis le messager d'Allah. Personne ne rencontrera Allah avec ces deux paroles ou ces deux phrases, hein, y a pas un serviteur qui va rencontrer Allah avec ces paroles sans avoir de doute en ce que ces paroles-là ont comme signification, excepté qu'ils vont rentrer au paradis. Donc ça c'est la preuve que, yani, comme c'est mentionné ici, غير شك, c'est-à-dire qu'ils n'ont point de doute. C'est la preuve qu'il faut avoir la certitude. Dans une autre narration, il y a le hadith qui dit « Il n'y a pas un serviteur qui rencontrera Allah avec ces deux paroles ou ces deux phrases sans avoir de doute, excepté qu'il et puis ensuite sera voilé du paradis. » C'est-à-dire, il n'y aura personne parmi ceux qui disent cette parole avec certitude et conviction, personne d'entre, aucun serviteur ne sera voilé du paradis, étant qu'il le dit sans doute, sans avoir de doute. Après, il y a l'autre hadith qui est rapporté selon Abi Huraira aussi, et il est rapporté par l'imam muslim. C'est un long hadith dans lequel il y a la mention suivante. Quiconque tu rencontres derrière ce mur qui témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah avec la certitude de cela dans son cœur, alors donne-lui, annonce-lui le paradis, hein, donne-lui la bonne nouvelle du paradis. Donc ça c'est pour la deuxième condition des preuves de la sunna. Ensuite la troisième condition, dalil ul ikhlas, les preuves de la question de al-ikhlas. Al-ikhlas, c'est-à-dire la sincérité, la pureté dans les actes et dans les intentions. Et le cheikh, il mentionne à ce sujet-là le verset 3 dans Surat Az-Zumar. Il dit « Dalil al-ikhlas, qawluhu ta'ala, ala lillahi d-dinu al-khalis, wa qawluhu, subhanahu, wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu d-dina hunafa. » Donc ici, la preuve, dans les preuves qu'il a mentionnées ici dans le Coran, il y a beaucoup plus de preuves que ça, mais il ne mentionne pas toutes. Il mentionne les plus importantes ou bien des versets qui sont clairs. Et ici, il a cité le verset 3 dans Surat Az-Zumar, lorsque Allah Azza wa Jal, il dit « Ala lillahi d-dinul khalis » N'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion de... Yani la religion de la pureté. Hein? La religion de la pureté. C'est-à-dire le culte exclusif à Allah et l'adoration d'Allah seul. Le verset 5 également dans Surat Al-Bayyinah, Allah Azza wa Jal, il dit « Il n'avait été ordonné que d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif hein, et en s'écartant des idoles, en étant un hanif. » Parce que le hanif, il s'éloigne de l'idole et il se tourne uniquement vers Allah. Ensuite, le cheikh, il mentionne les preuves de la sunna à propos de l'ikhlas. Et il dit « ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل وللنساء في اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء قد من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها من قلبه يعني يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا يعني حتى ينظر إلى قائلها من وراء حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر إليه نعم وحق لعبد نظر إليه الله أن يعطيه سؤاله. Ici le cheikh il mentionne comme preuve par rapport à la sincérité et la pureté dans la sunna, les preuves de la troisième condition de la ilaha illallah. Donc il mentionne premièrement un hadith authentique rapporté par, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, lorsqu'il a posé la question yani, quelle personne sera plus heureuse de ton intercession au jour de la résurrection. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, celui qui sera plus heureux de mon intercession au jour de la résurrection, c'est celui qui dit la ilaha illallah et avec sincérité et pureté dans son cœur. Hein? Donc, il y a une narration qui dit avec son cœur et l'autre qui dit avec son âme. Hein? Donc, il doit dire la ilaha illallah avec ikhlas. Ça, c'est une condition pour que la ilaha illallah soit valide. S'il n'est pas mukhlis, s'il n'est pas sincère et pur dans ses intentions et dans ses actions et qu'il a du shirk, eh bien, dans ce cas-là, son témoignage ne sera pas valide. Ensuite, il mentionne d'autres hadiths également. Un hadith authentique rapporté selon Utban ibn Malik, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certes Allah a interdit l'enfer à quiconque dit la ilaha illallah en recherchant par cela le visage d'Allah, c'est-à-dire le visage d'Allah, c'est-à-dire il est sincère, il ne veut rien d'autre que Allah Azza wa Jal par ses actions. Il ne cherche pas autre chose que ça. Et ça, c'est la base de la sincérité par rapport à nos œuvres et à nos paroles et à nos croyances et à nos intentions. Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Nasa'i dans son livre « Al-Yawm al-Layla ». C'est un hadith donc qui est authentifié par Cheikh al-Albani dans la clarification de Kalimat al-Ikhlas. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque dit la ilaha illallah, lui seul, sans associé, sans partenaire, c'est à lui qu'appartient le royaume, c'est à lui qu'appartient la louange, et il a le pouvoir sur toute chose. » Et qu'il dit ça avec sincérité dans son cœur, et que sa langue est véridique, eh bien, Allah Azza wa Jal va le faire entrer dans les cieux. Va le faire rentrer dans les cieux, et yani, jusqu'à ce que les gens regardent, celui qui a dit cette parole-là, parmi les habitants de la terre, vont le regarder. Et il dit وَحَقَّ لِعَبْدِ النَّظَرَ إِلَيْهِ نَظَرَ إِلَيْهِ اللَّهِ أَنْ يُعْتِيَهُ سُوَالَهُ. Ou bien il dit حَتَّ يَنْظُرَ إِلَى. C'est ça. Donc quiconque l'a dit cette parole avec sincérité par sa langue, excepté que Allah Azza wa Jal يصدق بها لسانه إلا فتق الله لها السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر إليه الله أن يعطيه سؤاله. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que toute personne qui dit cette parole de la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, et qu'il le dit avec sincérité dans son cœur, et qui est sincère par sa langue, quand il dit ça, excepté que Allah Azza wa Jal ouvre les cieux pour lui, et il regarde celui qui dit cette parole parmi les habitants de la terre, et c'est un droit pour, ou bien c'est un devoir pour Allah vis-à-vis de la personne qu'il a regardé, qu'il lui donne ce qu'il a demandé. Donc ça, c'est la signification ici de ce hadith. Après, la quatrième condition, c'est as-sidq. Et la preuve de as-sidq, c'est la véracité. Le cheikh, il cite parmi les preuves du Coran, les versets dans Surat Al-Ankabut, versets 1 à 3, dans lesquels Allah Azza wa Jal dit قوله تعالى Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. Donc ici le cheikh il explique, il dit la preuve de la sincérité, de la véracité, c'est l'exemple dans le verset, dans Surat Al-Ankabut, le verset 1 à 3, lorsque Allah Azza wa Jal dit Alif Lam Mim, est-ce que les hommes pensent qu'ils seront laissés en disant nous croyons et qu'ils ne seront pas testés, qu'ils ne seront pas éprouvés, Nous avons certes éprouvé ceux qui étaient avant eux. Et c'est ainsi que Allah Azza wa Jal sait ou connaît ceux qui ont été véridiques et ceux qui sont menteurs. Il connaît ceux qui sont les menteurs. Donc, par les épreuves que Allah Azza wa Jal donne aux créatures, il distingue entre le véridique et le menteur ou l'hypocrite. Et il cite ensuite également les versets dans Surat al-Baqarah, versets 8 à 10, dans lesquels Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie « Et parmi les hommes, il y en a qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier » alors qu'ils ne sont pas vraiment des croyants. Ils essaient de tromper Allah et ceux qui ont cru, mais ils ne font que tromper leur propre personne et ils ne s'en aperçoivent pas. Ils ne réalisent pas. Il y a dans leur cœur une maladie et Allah Azza wa Jal fait croître leur maladie et ils auront un châtiment douloureux pour ce qu'ils ont menti, pour ce qu'ils ont menti ou pour avoir menti. Également, le cheikh il mentionne la preuve de la sunna par rapport à Sidq et il cite ce hadith qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, selon Mu'adh ibn Jabal, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas un serviteur, il n'y a personne qui témoigne de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah avec sincérité dans son cœur, excepté que Allah lui interdira l'enfer. » Allah va lui interdire d'entrer en enfer. Ça, c'est pour cette condition de as-sidq qui implique donc la sincérité yani, et non pas le contraire du mensonge. Donc, la sincérité, c'est-à-dire le contraire du mensonge. La cinquième condition, les preuves qui sont mentionnées à ce sujet, c'est al-mahabba, les preuves de al-mahabba, l'amour. Et le verset que le cheikh a mentionné ici, c'est le verset 165 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah Azza wa Jal dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Il dit وَقَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ووجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره العباد وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار كما يكره أن يقذف في النار. Donc ici les preuves par rapport à l'amour dans les conditions de la ilaha illallah. Il a cité le verset 165 dans Surat al-Baqarah dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Et parmi les hommes, il y en a qui aiment, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des seigneurs qu'ils aiment comme on aime Allah. Tandis que ceux qui ont la foi, ceux qui ont cru en Allah, aiment, sont plus forts dans leur amour d'Allah. Ceux qui ont la foi aiment plus Allah Azza wa Jal qu'eux. » Et le verset 54 dans Surat al-Ma'ida, le cheikh il a cité le verset dans lequel Allah Azza wa Jal il dit ce qui signifie et vous qui avez la foi, ô vous les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, eh bien qu'il sache que cela ne nuit nullement à Allah Azza wa Jal, car Allah fera venir un autre peuple qui aiment Allah et que Allah aime, et qui sont humbles avec les croyants, et qui sont puissants envers les mécréants, et qui luttent dans le sentier d'Allah, et qui ne craignent le blâme d'aucun blâmeur. Et les preuves de la sunna, c'est le verset, le hadith dans Al-Bukhari, Muslim également, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné lorsqu'il dit qu'il y a trois choses que si quelqu'un il les possède, il va goûter à la douceur de la foi. Et la première chose de ces trois choses, c'est qu'il aime Allah Azza wa Jal et son messager plus que toute autre chose au monde. Et la deuxième, c'est que s'il aime une personne, il ne l'aime que pour Allah. C'est-à-dire, il ne l'aime que pour Allah, c'est-à-dire, il ne l'aime que parce que cette personne-là, elle est obéissante à Allah et elle aime Allah. Donc, il aime pour Allah seulement. Et la troisième chose qui est mentionnée dans le verset, وَأَنْ يَكْرَهُ. Donc, il devrait détester, retourner à la mécréance de la même manière qu'il déteste. Il détesterait que Allah le jette dans le feu. Donc, il détesterait retourner à la mécréance autant qu'il déteste être jeté dans le feu. Donc, ça veut dire que le mu'min, il doit aimer la ilaha illallah. Il doit aimer l'islam s'il veut être considéré comme un vrai croyant. Parce que s'il ne l'aime pas, il ne peut pas être considéré comme un croyant. Et dalil ul-inqiyad, la preuve de la soumission. Le cheikh il a cité plusieurs versets. Il dit وَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ وَقَوْلُهُ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ وقوله تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله وقوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Donc ça, c'est les preuves dans le Coran pour Al-Inqiyad, la preuve de l'obéissance et de la soumission à Allah. Et le Cheikh, il cite comme preuve le premier verset dans Surat Az-Zumar qui signifie « Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne un châtiment et que vous ne serez à ce moment-là pas secouru. Puis vous ne serez point secouru. » Le verset 125 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit ce qui signifie « Et qui est meilleur en religion que celui qui a soumis son visage à Allah en étant muhsin. » Muhsin, c'est-à-dire il fait ce qu'il fait avec ihsan, avec sincérité et avec excellence dans son adoration et perfectionnement dans son adoration. Il adore Allah en restant conscient que Allah Azza wa Jal est devant lui, comme s'il le regarde et il le voit. Alors, il est concentré, il est sincère dans son adoration, et il est concentré dans son adoration, il fait son adoration avec perfection. Donc ça, c'est la preuve que le croyant, il se soumet, puisque il soumet son visage. Aslama wajhahu. Aslama, ça veut dire il a soumis son visage. Et dans l'autre verset, qui est le verset 22 dans Surat Luqman, Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie « Et quiconque a soumis son visage à Allah alors qu'il est muhsin, alors qu'il est muhsin, il adore Allah avec excellence et avec perfectionnement. Donc il s'est soumis son visage à Allah et il a adoré que Allah seul et il a été muhsin. Hein, il a fait ça selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec perfectionnement dans son adoration. Alors il s'est accroché à l'anse la plus solide. Hein, et l'anse la plus solide, c'est la ilaha illallah. Donc ça, c'est un exemple aussi. Et le cheikh, il dit ensuite le verset 65 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah Azza wa Jal, il dit, ce qui signifie non par ton Seigneur. Donc Allah Azza wa Jal, il jure par lui-même. Il dit non, je jure par ton Seigneur hein, que ils ne seront pas des vrais croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juge dans tout ce qu'ils ont comme désaccord entre eux, puis qu'ils n'auront trouvé en eux-mêmes aucune insatisfaction ou gêne par rapport à ce que tu auras décrété, et qu'ils s'y soumettent de façon complète et entière. Et la preuve de ça, de la soumission dans la sunna, le cheikh il mentionne quelques hadiths, ou bien un hadith. Il dit, وَمِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ صَلَى اللَّهِ وَسَلَّمْ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ وَهَذَا هُوَ تَمَامُ الْإِنْقِيَادِ وَغَايَتُهُ. Il cite un hadith, même si ce hadith-là, il y a des ulama qui en ont mentionné quelque chose au sujet du fait qu'il n'était pas authentique, comme Ibn Rajab al-Hanbali dans son livre Al-Jawami' al-Kalim, comment ça s'appelle, Jami' al-Ulumi wal-Hikam. Donc c'est le charh des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi plus 10 autres hadiths ou 8 autres hadiths. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait dit que nul d'entre vous n'est croyant jusqu'à ce que sa passion soit en accord avec ce que j'ai ramené. Donc certains ulama ont mentionné que ce hadith-là, il n'est pas authentique. Et malgré qu'il n'est pas authentique, même s'il n'était pas authentique, mais sa signification, elle est en accord avec de nombreux versets dans le Coran. Et ça, c'est, le cheikh, il dit, ça, c'est la soumission totale et complète à ce sujet-là. Ensuite, il mentionne, le cheikh, la dernière condition, qui est la septième condition. Donc, l'inqiyad, c'était la sixième. Et la septième condition, c'était al-qaboul, hein, l'acceptation. Et on va terminer avec ça aujourd'hui. Inch'Allah. La dernière condition, c'est Dalil ul-Qaboul. Cheikh, il dit Qawluhu ta'ala, wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Qala awalaw ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وقوله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ومن السنة ما ثبت في الصحيح عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك الماء ولا تنبت كلأ. فلذلك فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلمه، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Donc ici le cheikh il explique, premièrement il mentionne certains versets. Donc en premier les versets 23 à 25 dans Sourate Az-Zukhruf, dans lesquels Allah Azza wa Jal il dit et c'est ainsi que nous l'avons envoyé avant toi dans une ville ou dans une cité d'avertisseurs, excepté que les gens extravagants de cette cité se mirent à dire, nous avons trouvé nos ancêtres sur une religion et nous sommes sur la voie qu'ils ont laissée. Nous suivons leurs traces. Et ensuite, le verset suivant, Allah Azza wa Jal, il dit au Muhammad, même si ce avec quoi je viens à vous est une meilleure guidance, est plus guidé ou plus droit que ce que vous avez trouvé, ce sur quoi vous avez trouvé vos ancêtres. Et eux, ils répondent, parce qu'ils n'ont pas d'argument, alors ils disent, nous renions ce avec quoi tu as été envoyé. Et Allah Azza wa Jal, il dit ensuite, nous nous sommes donc vengés d'eux. Regarde donc comment est la conclusion des peuples qui traitent la vérité de mensonge. Et ensuite, il cite les versets dans Surat As-Saffat, les versets 35 et 36, dans lesquels Allah Azza wa Jal, il mentionne à propos des mushrikin, il dit, certes, lorsque on leur a dit de dire « La ilaha illallah », ils se sont enflés d'orgueil, ils ont refusé avec orgueil, et ils ont dit « Allons-nous abandonner nos divinités pour un poète qui est fou ?» Donc ça, c'est l'exemple du refus, le contraire de l'acceptation. Et ça, c'est bien exprimé dans ces versets-là, ce qui prouve que on ne peut être musulman que si on accepte le tawhid et la signification de la ilaha illallah. Ensuite, le cheikh il a cité un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique et qui est rapporté aussi selon Abu Musa radiyallahu anhu, et il mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a comparé la religion et la révélation qu'il a reçue, la guidance et la science qu'il a reçue, à une pluie qui tombe sur une terre. Et donc il dit, l'exemple de ce que Allah m'a donné comme guidance et comme science, c'est comparable à une pluie qui tombe sur une terre. Il y a différents types de terres. Il y en a une terre qui est propre, qui est pure, qui accepte l'eau et qui fait pousser des herbes et beaucoup d'herbes et de choses, de plantes. Et il y a une autre terre qui absorbe l'eau, ou bien plutôt qui garde l'eau, c'est-à-dire elle l'absorbe pas, elle garde l'eau à la surface. Alors les gens peuvent venir en profiter et boire de cette eau, et utiliser l'eau pour cultiver, faire de l'agriculture et des choses de ce genre. Donc ça, c'est la deuxième exemple. Et la troisième exemple, une autre sorte de terre qui absorbe l'eau et qui ne la garde pas et qui ne fait rien pousser. Et donc il dit, c'est un peu comparable à celui qui a reçu la compréhension de la religion et donc qui a profité de ce que Allah m'a donné comme révélation et ce qu'il m'a envoyé, ce avec quoi il m'a envoyé. Et donc il a appris lui-même et il a enseigné. Donc ça, c'est l'exemple de la première terre qui garde l'eau et qui fait pousser des plantes. Le deuxième exemple, il dit c'est l'exemple de la personne qui n'a rien pris, hein, qui n'a rien profité du tout de qu'est-ce que j'ai ramené. Il n'a pas accepté la guidance avec laquelle j'ai été envoyé. Donc c'est ça. Le cheikh, il explique, comme certains l'ont expliqué également, que c'est-à-dire, il y en a des gens qui prennent la science et qu'ils profitent de cette science pour eux-mêmes, ou bien qui apprennent de cette science, mais sans la comprendre eux-mêmes. Ils ont seulement mémorisé la connaissance. Et il y en a d'autres qui ont appris cette science, ils l'ont comprise et ils l'ont mis en pratique, ils l'ont enseigné aux autres. Donc c'est différents types de cœur, différents types de terre. Et il y a ceux qui rejettent ou qui refusent tout et qui ne profitent pas de ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené. Donc ça, c'est les preuves de chacune de ces conditions de la ilaha illallah dans les textes du Coran et de la Sunna. Donc on a complété aujourd'hui cet exemple-là. Maintenant, au prochain cours, inshallah, on lira les commentaires que Cheikh Ahmad al-Najmi a donné au sujet de ces différentes preuves qu'on a mentionnées aujourd'hui et les explications qu'il a données à ce sujet. Et donc, tous ces versets et ces hadiths-là vont être expliqués plus en profondeur, inshallah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.